Chapitre 10e. Vienne est la vie par excellence. Les plaisirs y ont élu domicile, et ceux qui aiment l'entrain et le mouvement y sont servis à souhait. Le ciel y est d'un bleu vif, la lumière dorée, une lumière et un ciel d'Italie. L'air y est fait de musique, on y respire des mélodies, et faut-il s'étonner si tout le monde y est musicien? L'architecture y est tour à tour belle, imposante, austère, gracieuse. Il y a de sombres édifices qu'on dirait faits tout en marbre noir. Il y a des maisons toutes roses avec des arabesques de marbre blanc et des fresques extérieures sur fond d'or. Il y a le bourg, ce vieux palais simple et digne, peuplé des grands souvenirs de Marie-Thérèse et de Joseph II. Il y a les palais plus modernes des archiducs et des princes. Il y a le belvédère, splendide écrin de joyaux sans prix, les chefs-d'œuvre de la peinture et de la sculpture. Il y a le dôme, cette admirable église, il y a celle des Chartreux, dans les caveaux de laquelle dorment les Habsbourg. Celle des Dominicains, un bijou tout doré. Celle de Jean Nepomucène, le martyr de la confession, architecture byzantine, il en a cent autres, et la reine de toutes, l'admirable Saint-Étienne, dentelle blanche que les siècles ont fait noire. Sous les voûtes de laquelle on ne saurait pénétrer sans éprouver une profonde émotion religieuse. Et partout des statues, les princes et les généraux revivent en marbre ou en bronze, et il est charmant de voir les moineaux se poser familièrement sur l'épaule de Joseph II, sur le chapeau de l'archiduc Charles et l'épée du prince Eugène. Un précepteur a naturellement la charge de promener son élève. Tous les jours, lorsqu'il faisait beau, je sortais avec Gustave. Nous allions parfois au Stadtpark, ce jardin féerique où tout le beau monde de Vienne se rassemble le soir pour prendre du café au lait ou des glaces. Souvent, nous préférions le Kinderpark, tout à côté, mais où l'on ne rencontre guère que des enfants et leurs bonnes. Et quels enfants ! Frais, roses, animés, gais comme ils ne le sont nulle part, et sans aucune espèce d'orgueil. Le jeune garçon vêtu de velours, qu'un gouverneur accompagne, que suit un valet de pied, et qui a son équipage à la porte du jardin, joue en bon camarade avec un enfant en sarrau de toile. Il y a moins de morgues dans cet empire d'Autriche que dans bien les républiques. Quelquefois nous allions jusqu'au Volkspark, pour admirer l'œuvre de Canova, Thésée terrassant le Minotaure. Mais ce que nous préférions à tous était le parc. Notre allée des Bastions à Genève, multipliée par 100, peut donner une idée de cette promenade splendide, où à deux pas des rues tumultueuses d'une grande cité, on trouve la plus parfaite solitude, excepté 2 heures dans le jour, de 2 à 4, où la cour et le monde fashionable viennent s'y promener. C'est surtout en automne que le parc est beau et qu'on peut y rêver à son aise. On suit l'allée des piétons, il y en a 2 autres, une pour les équipages, une pour les cavaliers, les hêtres, les chênes et les tilleuls laissent tomber lentement leurs feuilles desséchées. Le tapis jaune frémit sous les pieds avec un bruissement plein de mélancolie. Quelques paysannes, pieds nus, le front serré par un mouchoir jaune ou rouge noué derrière la tête, ramassent du bois mort. De temps à autre, passe lentement un carrosse aristocratique avec ses 4 chevaux et son cocher brillant d'or, enseveli dans les fourrures. Les stores levés laissent voir une fraîche beauté enveloppée d'hermine qui ressemble à une rose dans la neige ou bien un vieillard couvert de décorations. Puis c'est un jeune et brillant cavalier qui passe comme l'éclair et vous fait songer au centaure, quelquefois une gracieuse amazone, taille ronde et fine, tresse flottante, qu'on prendrait pour une châtelaine de balade. Souvent à ces heures qui ne sont pas celles de la foule, on rencontre un officier de haute taille et de visage noble et bienveillant, que suit un valet de pied en livrée gris et argent. Au salut qu'il vous adresse, vous comprenez que c'est l'empereur. C'est François-Joseph, en effet, qui se promène ainsi à pied, sans suite, sans garde, confiance qui est un bel éloge, et du monarque et des sujets. Tous les princes et les princesses de la famille de Habsbourg font de même et se montrent volontiers. Seule l'impératrice Élisabeth, qui est si charmante à voir, sort à peine lorsqu'elle est à Vienne, et réserve sa bonne grâce et ses sourires pour les Hongrois, qu'elle semble préférer à ses sujets allemands, au grand dépit de ceux-ci. Les promenades que je faisais avec Gustave m'intéressaient sans doute, mais elles n'étaient cependant pas pour moi ce qu'elles auraient été si mon cœur avait été tranquille. Ce pauvre cœur avait grand-peine à se résigner, et dans les moments où un beau spectacle, une admirable musique venait distraire mes sens, il m'avertissait par une douleur sourde que lui ne s'amusait pas. Il en était de même pendant nos leçons, car je faisais beaucoup travailler mon élève. Il fallait le préparer à passer un examen devant le recteur de l'université. Ce que doivent faire chaque année les jeunes gens qui ne suivent pas les collèges. Gustave était une riche nature qui n'avait eu besoin pour se développer que d'un souffle bienveillant. Il avait été jusqu'alors peu gâté par l'affection. Son père était riche et s'occupait d'affaires. Sa mère était belle et s'occupait de parure. Entre ces deux préoccupations, l'enfant se sentait isolé. Il avait grand besoin d'un ami, et dans les différents gouverneurs qu'il avait eus déjà, il n'avait jamais trouvé que des maîtres. Maîtres consciencieux qui s'étaient efforcés de lui faire entrer beaucoup de choses dans la tête, mais qui n'avaient rien obtenu, parce qu'il n'avait point songé à s'adresser à son cœur. Je m'étais dès l'abord senti vivement attiré par cette nature, assez fier pour résister à la force, assez tendre pour céder à l'affection. Gustave avait eu bien vite confiance en moi, et peu à peu le goût du travail lui était venu. Il portait dans ses études cette persévérance tranquille avec laquelle on arrive plus sûrement au but qu'en donnant de grands coups de collier. Et quand il avait quelques retours d'indolence, je savais être indulgent, me souvenant combien moi-même j'avais été jadis un écolier paresseux. Avec tout autre maître que M. Valville, il est certain que je n'aurais jamais rien appris, mais mon parrain savait me réveiller de mon apathie. Il avait une si aimable manière d'enseigner qu'il fallait, quoi qu'on en eût, prendre intérêt à la leçon. En général, le maître, au bout du sentier de la science, crie de loin à l'élève « Arrivez !» et le disciple avance comme il peut, chancelant, bronchant, s'égarant dans les chemins de traverse. Mon parrain, lui, revenait sur ses pas, me prenait par la main, me conduisait avec mille tendres précautions pour ménager ma faiblesse, et le voyage se faisait gaiement, sans fatigue et sans encombre. Excellente méthode, qu'à mon tour, je m'étais efforcé d'employer avec Gustave, et qui, bien qu'imparfaitement appliquée, avait cependant porté de bons fruits. En dépit des plaisirs de Vienne, l'hiver de 1800 et quelques fut donc pour moi triste et sérieux. Je voyais à peine M. et Mme Lehmann, lui toujours dans ses bureaux, elle toujours dans le monde. Mon ami Rodolphe lui-même ne faisait chez nous que de très rares apparitions. Dans la journée, il continuait sérieusement ses études. Le soir, il papillonnait dans les salons. Il lui restait peu de temps pour l'amitié. J'étais presque satisfait de ne pas le voir plus souvent. Dans l'état d'âme où je me trouvais, je n'aurais pu supporter son persiflage. Je vivais donc entre Gustave, la petite Anna et Mademoiselle Charlotte, trois êtres véritablement sympathiques et qui, du moins, n'ajoutaient pas à mon chagrin le poids des questions indiscrètes et des consolations maladroites. Gustave passa son examen au mois de février. Il s'en tira brillamment, et ses parents me témoignèrent leur satisfaction par les paroles les plus gracieuses et le présent d'un fort beau diamant. Mais bientôt après, fatigue ou chagrin, peut-être aussi changement de nourriture et d'habitude, je tombai malade. J'avais une fièvre nerveuse. Je souffrais beaucoup. Ma tête surtout, en dépit de la glace dont on l'entourait, me semblait toujours une fournaise. Quand je réussissais à soulever mes paupières pesantes, la lumière, il faisait un beau soleil pourtant, me semblait pâle comme celle d'une lampe sépulcrale. Et dans cette lueur blafarde, les arabesques de la tapisserie se détachaient du mur et s'avançaient, grossissant toujours et menaçant de montrer dans les yeux. Souvent aussi, des pervenches formaient autour de moi une ronde fantastique, allongeant leurs pistils comme autant de langues moqueuses. Puis c'était la valencienne du mouchoir qui tournait à son tour, rétrécissant son cercle d'instant en instant, jusqu'à ce que je me trouvasse pris dans ses réseaux comme une pauvre mouche dans une toile d'araignée. Alors, ses fils si déliés devenaient forts comme des câbles. Ils se resserraient toujours, toujours, et sous leurs liens, que je ne pouvais rompre, je sentais ma poitrine pressée jusqu'à étouffer. J'aurais fort à faire si je voulais raconter toutes les étranges visions qui me hantèrent pendant ces jours de souffrance. Enfin, le mieux se fit, la lumière reprit à mes yeux sa teinte naturelle, la tapisserie resta immobile, et ceux qui m'entouraient cessèrent de m'apparaître sous des formes fantastiques. Je sus alors que Mademoiselle Charlotte m'avait soigné avec le dévouement d'une sœur, que mon élève, bravant toute défense, avait trouvé le moyen d'entrer chez moi tous les jours, que même la petite Anna, qu'on avait séparée de sa gouvernante lorsqu'on avait permis à celle-ci de me donner des soins, avait un jour trompé la surveillance de la femme de chambre qui la gardait, et tombant ma porte entrouverte, avait pénétré chez moi, et au grand effroi de Charlotte qui n'avait pu l'en empêcher, s'était hissée sur le fauteuil placé à mon chevet et avait embrassé son amie de tout son cœur. Le capitaine Grunkopf, qui passait l'hiver dans sa propriété, était venu souvent depuis Bade demander de mes nouvelles. Chacun, enfin, m'avait donné des témoignages d'affection, et quant à Rodolphe, son bon cœur l'avait amené et retenu auprès de mon lit de souffrance, sacrifice d'autant plus méritoire qu'on était à la fin de l'hiver et que les bals qu'il manquait pour moi étaient les derniers de la saison. « Tu vas bien ? me dit-il un jour, il ne te reste qu'un peu de faiblesse. Du repos et de la distraction, voilà ce qu'il te faut. M. Lehmann te donne un congé de 6 semaines. Nous partons, c'est convenu. Nous partons, où allons-nous? Belle demande, chez nous, à Brune. Notre maison n'est qu'une cabane, mais elle est hospitalière. Tu verras ma tante, une excellente femme, dont je serais fort content si elle tenait moins serré les cordons de sa bourse. Tu verras mon régiment de frères et de sœurs, tous bons enfants, qui seront enchantés de te voir. Une lettre, que je leur ai fait l'honneur de leur écrire, les avertit de notre prochaine arrivée. Que tu es bon, cher Rodolphe. Je m'en flatte, et certes, tu ne mérites guère un ami tel que moi. J'ai envie de t'abandonner quand je pense à ta folie. Je t'avais prévenu, imprudent papillon, et tu allais te brûler les ailes à la flamme que je t'avertissais d'éviter. C'est bien fait. Je voulus protester. Je sais tout, dit-il, quoique tu n'aies pas daigné me prendre pour confident, car tu as assez parlé dans ta fièvre, et ce mouchoir maudit revenait sans cesse dans tes discours. Enfin, cette folie est passée, j'imagine, et s'il te reste au cœur un petit levain de tristesse, le changement d'air achèvera la guérison. Il n'y avait pas moyen de refuser l'offre cordiale du bon Rodolphe. Nous partîmes. De nouveaux champs, de nouveaux bois se déroulèrent à mes yeux. Et après quelques heures de voyage, nous arrivions à Brune. J'étais si faible encore que ce court voyage m'épuisa. Je pus à peine répondre à l'aimable empressement des parents de Rodolphe, et je demandai bientôt la permission de me retirer. On me conduisit dans la jolie chambre qu'on m'avait préparée. Le meilleur sommeil vint m'y trouver, et quand je me réveillai le lendemain, au concert matinal des oiseaux, j'étais en excellente disposition. La tante de Rodolphe, Fräulein Martha, était une femme bien conservée, avenante et active. Ses trois nièces s'occupaient du ménage sous sa direction. Cette famille était une véritable ruche d'abeilles d'où s'élevait à toute heure un bourdonnement joyeux. Toutes ces jeunes filles étaient jolies, fraîches et blondes, gaies comme des oiseaux. Les deux aînées, Thérèse et Regina, étaient déjà fiancées. La cadette, Rosa, libre encore, était la plus agréable de toutes. Elle ressemblait beaucoup à Rodolphe, et son visage avait un piquant qui manquait à ses sœurs. Ses cheveux, d'un blond très foncé, et ses sourcils, presque noirs, formaient le plus charmant contraste avec ses yeux bleus. Tous les matins, je l'entendais chanter quelques lieds populaires, en arrosant les fleurs du jardin. Cette voix jeune et sympathique réveillait en moi des idées riantes, et une paix inconnue descendait dans mon cœur troublé. Quant aux deux frères de Rodolphe, c'étaient de beaux grands garçons bien taillés, un peu paysans, tous deux employés dans des maisons de commerce. Ils m'accueillirent le mieux du monde. Être l'ami de Rodolphe était un titre suffisant à leur bienveillance. Rodolphe était l'enfant gâté de chacun. On l'aimait pour ses qualités, pour ses défauts, et puis aussi parce qu'il devait être plus tard le grand homme de la famille, un docteur célèbre. Dans les plus pures affections, il est rare qu'il ne se mêle pas un peu de vanité. Le temps passait vite à Brune. Le milieu simple et cordial où je vivais était bien ce qu'il fallait à un convalescent. Mon ami, après m'avoir installé, était retourné à Vienne. Il m'écrivait souvent. Je recevais aussi de fréquentes lettres de Gustave. « Soignez-vous bien, cher maître, me disait-il, et soyez sans inquiétude à mon sujet. Je travaille suivant vos indications, et à votre retour, vous serez content de moi. » Je me promenais peu, ma faiblesse encore assez grande me retenant à la maison. J'étais très heureux. Fräulein Martha avait cette hospitalité, point du tout gênante, qui est si rare. Elle s'occupait de ce qui pouvait m'être agréable ou utile, mais sans jamais en avoir l'air, en sorte que je me sentais parfaitement à mon aise. Je m'asseyais sur le banc rustique devant la porte de la maison, un livre à la main, mais ne lisant guère et préférant admirer la nature que le printemps réveillait et les plantes qui renaissaient en même temps que moi. Les sœurs de Rodolphe passaient et repassaient auprès de moi, vaquant à leurs travaux de ménage tout en me jetant un sourire ou un mot amical. Le soir, leurs fiancés venaient les voir, et les heureux couples se promenaient dans le jardin sous le regard attendri de la bonne tante. Cette image de bonheur paisible me faisait soupirer. Une compagnie aimante et bonne, quel charme dans la vie. Et involontairement, mon regard cherchait Rosa. Elle se promenait seule. Je pensais qu'elle était charmante et qu'il serait doux de lui servir d'appui. Mais bientôt je réfléchissais que tout aimable qu'elle fût, ce n'était point la femme qu'il me fallait. Cet enfant simple et naïve, élevé aux travaux du ménage, ne saurait pas me comprendre. Je croyais vrai, le système de Valérie, que toute âme a sa jumelle et que la rencontrer, c'est le suprême bonheur. J'avais cru trouver dans Madame Müller cette âme sœur de la mienne. Elle m'avait soutenu que je me trompais, et maintenant que le calme se faisait, je commençais à croire qu'elle avait dit vrai. Mais la trouverais-je, cette âme, et n'étais-je pas condamné à la désirer inutilement? Rosa venait souvent s'asseoir à mes côtés pour travailler aux parures des deux fiancés. Je ne me lassais pas de voir ses doigts agiles faire courir l'aiguille sur le tulle et la mousseline. Elle brodait merveilleusement. Au lieu de suivre un dessin, comme le font d'ordinaire les brodeuses, elle cueillait les fleurs qu'elle voulait rendre, les mettait près d'elle dans un verre d'eau et les copiait d'après nature avec une merveilleuse fidélité. Je lui demandai un jour qui lui avait enseigné cet art. « Personne, » me répondit-elle, « j'ai toujours aimé les fleurs avec passion. Toute petite fille, je causais avec elle. Elle me racontait toutes sortes de choses. Mais quand je les voyais mourir, j'étais bien triste. On désire, vous le savez, conserver l'image de ce qu'on aime. Je cherchais le moyen de faire le portrait de mes fleurs. Dans une petite ville comme la nôtre, l'instruction n'est pas poussée bien loin. On nous enseigne l'écriture, le calcul, la géographie, puis nous lisons nos poètes, surtout Schiller. Mais de piano et de dessin, il n'en peut être question pour les personnes qui ne sont pas assez riches pour avoir des institutrices chez elles. Ne sachant dessiner mes fleurs avec le crayon, j'ai dessiné avec l'aiguille, comme vous voyez. Mais c'est admirable, mademoiselle. Voilà des lys d'une vérité. Ceci n'est rien. La banderie blanche ne donne que la forme. Mais vous avez vu au salon cet écran où j'ai mêlé des fruits et des fleurs. Quoi? Cet écran est brodé. Je l'ai cru peint. Peint par mon aiguille. Mais c'est un merveilleux talent que vous possédez, mademoiselle. Il fait toute ma consolation. Votre consolation. Il vous semble que je ne dois pas en avoir besoin, que je suis heureuse. Sans doute, je le suis. Mais au sein du bonheur même, on peut souffrir, on peut se sentir isolé. Quand on diffère en quelques points des êtres qui nous entourent, et c'est ce qui m'arrive. Ma tante, excellente, comme vous voyez, a cependant des idées d'autrefois. Elles ne sont pas plus mauvaises, direz-vous. Sans doute. Mais elles ont le tort de se présenter sous des costumes surannés. Les vieilles idées, pour plaire aux jeunes esprits, ont quelquefois besoin de se rajeunir. Nous ne nous entendons pas toujours, ma tante et moi. Elle aimerait mieux me voir filer que broder. Et pourtant, ma chère broderie m'a déjà procuré de bien vives jouissances. Quant à mes sœurs, elles sont bonnes et aimables, mais un peu trop absorbées dans leurs devoirs de ménagère. Oh, ne vous imaginez pas que je méprise ces occupations. Moi aussi, je lave les légumes. Moi aussi, je pétris des gâteaux. Seulement, tandis que mes mains sont dans l'eau ou dans la pâte, mon esprit s'en va haut et loin, admirer de belles choses et écouter des mélodies. Mon frère Rodolphe, avec qui je pourrais causer, est rarement ici, et quand il y est, c'est pour me taquiner. Il méprise les femmes et ne le croit bonne que pour faire la soupe et danser de temps en temps, et quoi qu'il m'aime, il ne fait pas d'exception en ma faveur. Vous le voyez, je suis seul. Il n'y a que mes fleurs qui me payent de véritables sympathies. Il n'y a qu'elle à qui je puisse dire mes rêveries et qui, loin de me railler, me répondent. Vous riez, monsieur le précepteur. Vous autres savants qui regardez tout au microscope, vous ne voyez dans une fleur qu'un être né fatalement à une place et qui doit y périr sans avoir connu d'autre existence que cette vie végétative qui n'est pas même une demi-vie. Mais moi, qui suis ignorante et qui les aime, à toutes je donne une âme et une voix. Oh, si vous saviez. Elle s'arrêta, toute rouge. Pardon. Dit-elle, j'ai babillé comme une folle, et j'ai dû vous paraître bien ridicule. En vain, j'assurai l'aimable Rosa qu'elle m'avait vivement intéressée. Elle ne voulait pas reprendre ses confidences. Non, non, dit-elle. Lorsque je parle de mes amis, le sujet m'intéresse tant que mon aiguille s'arrête, et il faut que ce voile soit fini bientôt. C'est un ouvrage bien long, mademoiselle, que vous avez entrepris là. Oui, mais j'y ai plaisir. C'est le voile de noces de ma sœur Regina. Celui de Thérèse est déjà fait. Et celui-ci achevé? Vous commencerez le vôtre, sans doute. Pour moi, je n'en broderai peut-être jamais. Quoi, mademoiselle? Vous, dont le cœur sensible donne une âme aux fleurs afin de pouvoir en être aimé, vous dédaigneriez l'affection d'un être semblable à vous? Non, mais je suis exigeante. Pour engager ma destinée, je voudrais être beaucoup aimée, et moi-même aimée beaucoup, et je ne sais pas encore si je rencontrerai un homme qui puisse m'inspirer un très grand amour et en éprouver pour moi un aussi grand. Ah, mademoiselle! Vous ne devez pas en douter, et s'il suffisait de vous comprendre, de vous apprécier pour... Rosa ! Appela Fräulein Martha. Ainsi fut coupé cet entretien que j'allais probablement terminer par l'offre de mon cœur, car j'aimais Rosa, je n'en pouvais plus douter. Au lieu que la présence de Valérie me rassérénait, la sienne me rendait émue et troublée. C'était de l'amour, cette fois. Je m'en voulais presque d'avoir réalisé si vite la prédiction de Madame Müller.